Hein? Libérez ma musique, car je pète un câble, je pète un fusil. Futur proche. Brasco 92. Libérez ma musique qui sort tout droit de mon usine. Apothéose. Hein? Tristesse personnelle. Mais pourquoi ils veulent me noter mon son? Parce qu'il a pris mon sang, je suis son alibi et il est innocent. Maître, y a plus de preuves et j'ai saigné le témoin. Et va pas dire que c'est mon son qui a sali tes mains. Va pas dire ce qu'on t'a pas dit, sinon on t'exécute. Deviens l'associé du diable ou l'avocat de Belzébuth. Mais faut qu'on gagne ce procès, si c'est possible. Les merdes, les keufs, le CSA qui s'égocie. Mon rap n'a rien à voir avec ici. Ils veulent le tuer et nous faire croire à un suicide. Soi-disant c'est un voyou. Quand il chante dans la rue, il rêve de cash, de caisse avec les gens. T'en as lu, c'est vrai qu'il parle mal. Et qu'il se la pète style Mac. Mais c'est ma religion qui me laisse des marques comme un stigmate. C'est ma zik libérée là, dans ce monde de vanité. On sait pourquoi vous l'aimez pas, parce qu'elle dit des vérités. Libérez ma musique, je pète un cap, je pète un fusil. Libérez par la musique, libérez par mon son. Qui chante au doigt de mon usine. Libérez ma musique, car je fais un cap, je fais un fusil. On taffe nos rimes pour atteindre la beauté. Libérez ma musique, qui chante au doigt de mon usine. Madame la juge, écoutez-moi, je suis juste un témoin. La musique m'a aidé, oui, elle m'a tendu ses mains. Maintenant vous voulez l'enfermer, mais dites-moi c'est quoi ce Beans? Elle a pas braqué un Brinks, elle mène sa vie nomade en faisant ses petits bis. La mettre en taule, c'est comme les faces et les couleurs, nous faire traverser un couloir alors qu'il fait tout noir. Madame la juge, moi sans le son, c'est comme Yasmine sans Aladdin. Comme si je m'appelais Théophile sans être Aladdin. Je me réveille avec la musique, je m'endors avec la musique. Je dis pas que c'est ma mère, mais grâce à elle j'ai mûri. À la zik, je resterai toujours fidèle, alors ne blasphémez pas en disant que je profite d'elle. Un 16 mesures pour vous faire changer d'avis. On sait jamais, Dieu a bien fait changer d'avis. Alors madame la juge, sérieux déconnez pas. J'attends votre verdict avant je décollerai de pas. Libérez ma musique, car je fais un cap, je fais un fusil. Libérez par la musique, libérez par mon son. Libérez ma musique qui chante au doigt de mon usine. Je vous raconte la vérité, jurez, y'a pas de mensonge. Libérez ma musique, car je fais un cap, je fais un fusil. On taffe nos rimes pour atteindre la beauté. Libéré par ma musique, désormais grâce à elle je passe mon temps à m'amuser. Heureusement loin du haut, alors loin de la controverse. Enfin j'aime un truc, c'est rare comme une meuf sans converse. Préfère le son car les gens vite me lassent et m'ennuient. Des fois je me sens vidé là, c'est un peu comme un jour sans nuit. Entendez ma voix, entendez ce cœur pleurer, ça me fait plus rire depuis longtemps. Un peu comme ce girl power, sans doute on s'oublie. Par la tease et par le touch, regardez-moi, je suis pas Wallem, non. Qui s'habille en vendette, je suis pas au régime de rime malgré mes deux tonnes. Mais dites-moi où je peux aller avec mes origines bretonnes. Mon rap vaut de l'or et pas des chocs à pic. Arrêtez de faire le chiot car mon frère est aussi chaud qu'un pit. Bref, que vous l'a dit, notre rap est innocent. C'est pas de sa faute si certains on l'ont fait un innocent. Libérez ma musique, car je fais un cap, je fais un fusil. Libérez par la musique, libérez par mon son. Libérez ma musique qui chante au doigt de mon usine. Je vous raconte la vérité, jurez, y'a pas de mensonge. Libérez ma musique, car je fais un cap, je fais un fusil. On taffe nos rimes pour atteindre la beauté. Libérez ma musique qui chante au doigt de mon usine. Ça veut servir la mythe, comme avoir un pote à J'aime la zik, ouais. Ah ouais. Pas la merde et ma domace, ouais. Moi j'aime rimer, pas Jérémy. Jérémy. Si c'est ton cas et pas dommage, ouais. Nique sa race, on est là, nous. Tout comme ma zik, ouais. Futur proche et Brasco sont Brasco. Libres. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, frère. Tristesse perso. Perso. Libérer ma musique, hein. Qu'est-ce t'en dis, l'ami? Futur proche, Brasco. On place les dynamites, frère, yeah.